adresse était ici c'est Jésus de Nyonce, Cabo Fato, Son Excellence Jean-Pierre Liaou, les cerveaux d'État. Djibril Mbayo, et même Mbayo, Aninga Ngwele. Ton odeur, Yasuki non lacrymogène et sans effet. C'est le parfait, ça la cabale, c'est nuit, maëlamba. Tabou Fatou, Bolingo, Nama. Jojo Tamboué, Janissono. Ok, maquillage ne rend que la plus belle des sirènes. Plus belle que toi, Tabou Fatou, mon amour. Fleur et botakambou, maté, netimangé. Mais par son odeur, les obokola monte manangai. Kélian Massio, Tabou Fatou mon amour. Fololo ya monte manangai. Onaza kwa rose, nasalim nanga. Bobo Lionela, les condis protège. Kabe a tembo. Kacha bisou ya tabou. Nakatia, passeport et sa visa. Sarah Barbero. Yonner kolega, passeport diplomatique. Passe partout sa limite sa tabou nangai. Incarnation yalo kumu tabou fatou nangai. Amour et domo zambé komisayo intouchable. Mimi et Kumelinga, Cyprien qui sont. Mama Maria, na testa mariche sa beauté a besayo. Ba milliardaire saoudienne balingi ba modifié. Palmia Dubaï, na beauté na yo tabou. Mais on s'est gassé à Cornangaï, César est pas sauté na bonangaï. Si on est chez la matin pour la mouna paradis, pour refaire mon amour, Tabou Fatou, ça m'a classé longi na yolo pour la salon na yé. Didier Omeo, Ikwa Jacques, Marvila Zula. Si on est chez la matin pour la mouna paradis, Willy Ndeke, pour refaire mon amour, Tabou Fatou, ça m'a classé longi na yolo pour la salon na yé. Président Bicho Nyongoni. De l'encyclopédie à nos jours. Aucun on n'est pas qualifié ta beauté. Couleur brillante jamais trouvée dans l'arc-en-ciel. Tabou Fatou préférence de mes yeux. Et sous Kananzaleo. Mayo, mayo, mayo, mayo, mayo, ni Kaboronina. Yannick Munga, Maître Steve Chizubo, Eric Fouri. Charlie Lapage à l'icône de sa génération. Jokul Konde, maître sans paquet. Ma papa ndeke bona kona jete. Mote ma koda bolingo na yo kasi a susite. Bimi sanga balarme ya joie kasi a mawate. Kimia ya vina nga evani na constitution ya bolingo na yo. Bestino bilele. Professeur Polo Santa na royaume ya Pays-Bas. Jojo Tamwe. Rayon solaire parfois est bon ma camisa. Kasi a regard na yo et comme ça na voyant d'amour. Chez d'Antamoué. Photo na yo na maboko avec la gangi. Tabou Fatou très belle. Tourisme en Zambé en balo koza la nete nete. Doudoumbisi. Aroya na bova. Koko kona zongisi. Nani. Vamos Alice. Oh Mpolo. Na banza kifé wana. Charlie Lapage. Te mwana na ngay. Les Alice simple visite ya Pamba. Bon Natal à Nani, à ce pays-ci, Moko et à mon thème, à Ange Nangaï. Jean Flavien Kaniki. Moi, charge à Gapano, solaire Tabou Fatou, chargé dans l'affection. Gourmandisme, à Boulingon, à Tabou Fatou, Nanimina Nai. Tout excès nuit. Mana vota ya mote. Mana vota l'abondance des biens et nuit jamais. Gabet Tokodi, Bosco Kani les banquiers. Junior Mazolo. Danga dentiste. Tabou Fatou Oumela, Oumela mama, mon souci est bela na vida mounamba. Le vieux scrum awele, honorable Patrick Mouyaye. Tabou Fatou Oumela, Oumela mama, mon souci est bela na vida mounamba. Banda côté na Bruxelles. Tabou Fatou top modèle, mon Bruxelles, ma taille amine. Narito Mila Bozo Bezala Nando Lelo Nakanye Nama Popa Lidi Lombe Kares Nama Boko No Ferrari Pase Saka Mbenda Santi Mana Monte Mana Ngatali Alondae Miami Soe Bozo Nandresa Matama Presa Fna Kakaba Suri Maikeka yebe shina vila de shkala Ashama dila wa Solomon Lutumba Ota souffle de vie sanga na robo Risa Mama venga etre yeme sara mo piala Apre de para yesu lazara sanga kibi jona pasa kambala mi bale Kabile petrole je fre matoni jon si kabe ao Eh, vien anga horizon masamba Raja Bundouan Na bufatu umela Umela mama Wasuse yebela na vida munamba Champion Kife Maître Chura Mbomae Na bufatu umela Umela mama Wasuse yebela na vida munamba Serge Masamba Dirsi Benazo Gino Singa Betty Musengi Delphine Lumbila, Jessica Tilanda, Yindi Vito, Ben Dolce Festival Yabilele, Francilou ya Papa na Knowledge, Beyazou les gagnants, Bébé Mwamba, Bob Six, Jires Peugeot, Papa Mvumbie, Lili Monsekar.